Votre émission en balado débutera après ce court message publicitaire. Ici Radio-Canada Première. Les balados sont écoutés par des personnes dynamiques, ouvertes d'esprit, qui savent à chaque moment ce qu'elles veulent. Tout comme vous, les employés du cabinet comptable Mallette les écoutent. Venez vous joindre à nous, comme clients, comme employés. Vous savez comment nous trouver. Mallette comptable. Votre émission en balado débute dans 3, 2, 1... Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la Nouvelle-Écosse, la première province séparatiste du Canada. La population de la Nouvelle-Écosse envoie 18 députés. Il y avait 19 sièges en jeu. 18 députés anti-confédération siégés au Parlement fédéral. Alors que le pays vient tout juste d'être créé, le message qu'envoie la population de la Nouvelle-Écosse lors des toutes premières élections fédérales de 1867 est clair. Cette fédération canadienne nouvellement créée, nous n'en voulons pas. 18 des 19 députés fédéraux de la Nouvelle-Écosse s'opposent au projet de fédération et 36 des 38 députés nouvellement élus au Parlement provincial de la Nouvelle-Écosse sont également contre ce projet de fédération canadienne. C'est ainsi que commence donc l'histoire politique du Canada. C'est ce qu'on appelle un bien mauvais départ. Charlottetown, 1864. Les délégués des trois provinces maritimes se rencontrent pour discuter de la possibilité d'une union. À Charlottetown, parce que le gouvernement local est trop occupé pour pouvoir quitter son île. À la vérité, cette union est un peu une idée en l'air. On est en pleine prospérité. Mais certains se préoccupent de l'avenir. L'évolution des esprits, les changements dans la technologie, les marchés qui se ferment, le cordon ombilical qui se coupe. Une délégation du Canada s'est invitée elle-même. Ils doivent dormir à bord de leur bateau. Il y a un cirque en ville et les deux hôtels sont pleins. Que viennent-ils faire? Présenter un projet pas mal ambitieux. À dire le vrai, ceux des maritimes m'en tombent des nues. La plupart des gens des maritimes n'ont jamais vu un Canadien de près. Mais on les trouve assez humains. Mieux encore, ils inspirent une certaine sympathie contagieuse. Il y a pas mal de réceptions. Et puis les Canadiens ont des arguments bien étoffés. Et ils sont persuasifs. Alors ceux des maritimes entrevoient la possibilité de quelque chose. De quelque chose de grandiose au nord de l'Amérique. Extrait de l'émission « Images du Canada » diffusée en 1976, on dit souvent que c'est à cette fameuse conférence de Charlottetown de 1864 qu'est né le Canada de 1867. Mais la naissance de la Fédération canadienne va se faire dans le tiraillement. Pour nous parler de ce contexte particulier dans lequel va naître le pays, pour nous rappeler aussi l'opposition très vive qu'afficheront les néo-écossais à ce mariage constitutionnel en quelque sorte forcé, je reçois Harold Bérubé, qui est professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke. Harold Bérubé, bonjour. Bonjour. Quelle place ça occupe cet épisode de l'entrée à reculons de la Nouvelle-Écosse dans la Fédération canadienne de 1867 dans notre grande histoire nationale officielle, Harold Bérubé? Écoutez, c'est une place assez discrète. On n'en a pas beaucoup parlé l'année dernière dans le cadre des célébrations du 150e. Un épisode qu'on veut oublier. Oui, bien c'est ça. On oublie souvent que le projet de l'acte de l'Amérique du Nord britannique était loin de faire consensus en 1867. Il a fallu surmonter toute une série de résistances pour arriver à l'adoption de cette loi-là. Et il n'y a pas d'endroit où les résistances ont été plus importantes à ce moment-là que la Nouvelle-Écosse, qui était évidemment, comme vous avez dit, les premiers séparatistes, mais ils ne voulaient même pas embarquer initialement. Donc, Puis on va le voir, c'est pas le propre de la Nouvelle-Écosse. Il y a vraiment beaucoup de résistance dans le Canada atlantique à ce moment-là, mais c'est vraiment en Nouvelle-Écosse où on s'oppose encore de manière plus virulente qu'ailleurs. Pourquoi? Je pense que la meilleure façon de le comprendre, c'est de commencer par parler, Harold Bérubé, de à quoi ressemble la Nouvelle-Écosse d'avant 1867. Oui, tout à fait. Bien, écoutez, je vais brosser un tableau rapide. Territoire d'abord occupé, évidemment, par les Autochtones, surtout d'origine Mi'kmaq. Arrivée des Français qui vont en faire, en fait, partie d'une Acadie là, aux frontières un peu mouvantes. Et évidemment, les Anglais qui, eux, ont plutôt des ambitions sur cette Nouvelle-Écosse et qui vont officiellement donc s'en emparer en 1763 avec le traité de Paris. La Nouvelle-Écosse, lors de la guerre d'indépendance américaine, on va les qualifier de « neutral Yankees ». Ils sont sympathiques à la cause des différentes colonies qui se rebellent contre la couronne, mais ne vont pas s'engager donc dans cette voie là, de la lutte contre la couronne. Oui. Et une fois, évidemment, que la guerre est gagnée, il y a toute une vague de loyalistes qui viennent des États-Unis, qui vont venir s'installer en Nouvelle-Écosse et qui vont faire de cette colonie-là une colonie assez attachée donc à ses liens à l'Empire britannique. C'est ça, une Nouvelle-Écosse très, très tournée vers le Royaume-Uni. Qui garde quand même ses liens commerciaux avec les États. C'est vrai, la côte est américaine. Oui, tout à fait. Ouais. Et sur le plan économique, bon, on a affaire à une colonie britannique qui est tournée vers les pêcheries, évidemment, l'industrie forestière dans une certaine mesure, l'agriculture, un peu plus tardivement, le charbon. Donc, une colonie qui se porte assez bien économiquement au début du 19e siècle, mais à mesure qu'on approche du milieu du 19e siècle, avec la Grande-Bretagne qui abandonne la préférence commerciale envers ses colonies, on a un certain nombre de sources d'inquiétude sur le plan économique qui vont justement nous mener là, à des changements dont on va discuter aujourd'hui. Ouais. Parce qu'il y a, malgré tout, un grand attachement au Royaume-Uni, une prospérité qui perd un peu de sa vitalité, mais donc il y a comme... On sent qu'il va falloir que les choses changent. Oui, en Nouvelle-Écosse, absolument. Comme dans les autres colonies britanniques de l'Atlantique. Oui. En Nouvelle-Écosse, l'un des vraiment des plus farouches opposants au projet de fédération canadienne, ça va être Joseph Howe. Oui. Joseph Howe, il faut le dire, c'est une des figures politiques les plus connues, les plus importantes de cette Nouvelle-Écosse d'avant 1867. Halifax est la porte d'entrée des colonies de l'Atlantique et le centre militaire de toute la région. Joseph Howe, le fils d'un loyaliste américain, provoque un scandale. Son journal, le Nova Scotian, publie une lettre qui accuse l'élite de la Nouvelle-Écosse de voler l'argent du public. Dans un pays jeune et pauvre, où seuls les fils des familles riches sont éduqués aux frais du public, où la masse doit travailler durement pour supporter les exactions et les extorsions d'un petit nombre, où l'argent gagné par le peuple est dépensé au profit d'une aristocratie qui rembourse cette générosité par le mépris et les insultes. Cela prend du courage à des hommes d'origine modeste et sans ambition pour s'élever et protester hardiment contre des mesures qui mènent rapidement la province à la ruine. All rise. His Lordship, the Chief Justice, Brenton Halliburton, presiding. Les dirigeants de la colonie traînent Joseph Howe devant les tribunaux et l'accusent de libelle diffamatoire. Joseph Howe est acquitté par le jury. Sa popularité n'a jamais été aussi grande. Et comme Mackenzie, il se lance en politique. Extrait de la série « Le Canada, une histoire populaire » réalisée par Peter Ingalls en 2001. Parlez-nous, Harold de Bérubé, de Joseph Howe, donc qui se coltaillera au pouvoir devant les tribunaux. Mais plus que ça, il va devenir un adversaire important de l'entrée de la Nouvelle-Écosse dans la Fédération canadienne. Qui est-il, Joseph Howe? C'est tout un personnage politiquement en Nouvelle-Écosse. Ah oui, absolument. C'est un personnage important. On pourrait presque le comparer, la comparaison pas l'air forcée, mais un Papineau, un Lafontaine peut-être, néo-écossais. Hein, il fait partie de cette mouvance réformiste qu'on retrouve à travers les colonies britanniques à ce moment-là, qui veulent démocratiser le gouvernement local, les chambres d'assemblée qui ont à peu près pas d'autonomie, là, celles qui ont été créées en 1791. Donc, il est un peu l'équivalent de Papineau, un peu l'équivalent de Mackenzie donc dans le Haut-Canada. Donc, c'est quelqu'un qui est en guerre ouverte avec l'oligarchie coloniale et commerciale locale, donc à la faveur de la couronne et tout ça. Donc, il est propriétaire d'un journal, le Nova Scotian, et c'est dans ces pages-là qu'il va d'abord mener sa campagne contre l'oligarchie coloniale. Mais il va se lancer en politique par la suite. Et c'est significatif de souligner que la Nouvelle-Écosse est la première des colonies à obtenir le gouvernement responsable, donc à obtenir une chambre d'assemblée avec un rapport de force par rapport au gouverneur. Et c'est notamment à cause de l'activisme de Howe, donc en 47, à la toute fin de 47 et des élections. C'est important parce que ça crée dans la psyché populaire néo-écossaise, il y a cette espèce de pouvoir indépendant qui existe là, dans cette colonie-là. Oui, tout à fait. Et c'est Joseph Howe qui va l'incarner, donc qui politiquement va mener ce combat. Là, ils remportaient. Donc, ils obtiennent le gouvernement responsable en janvier 1848. Et ça donne à Howe un prestige. Ouais. Ça donne du poids à sa voix politique. Et c'est un poids qu'il va utiliser, évidemment, dans les années 1860. Et pourquoi il s'oppose, en quelques mots, à l'entrée de la Nouvelle-Écosse dans ce pacte fédératif de 1867? Les inquiétudes de Joseph Howe sont partagées par plusieurs autres acteurs dans l'économie de l'Atlantique. C'est Howe qui va les exprimer de la manière la plus forte, probablement. Donc, pour Joseph Howe, il y a une inquiétude d'être marginalisé dans ce nouvel ensemble-là, hein, que les colonies de l'Atlantique soient tassées par le Canada uni, qui est beaucoup plus important, beaucoup plus pesant sur le poids, le plan politique, pardon. Il y a aussi une inquiétude, en fait, d'une distance culturelle. Joseph Howe va écrire que essayer de les unir, c'est un peu comme demander à l'Écosse de joindre à la Pologne ou à la Hongrie. Ouais. Pour lui, il y a une distance culturelle très vaste entre la Nouvelle-Écosse et le Canada. Géographique et culturelle. Oui, pour eux, c'est très loin. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de lignes de communication directes entre les Maritimes et le Canada uni à l'époque. Et on commerce beaucoup plus avec les Américains et, à la limite, avec les Anglais. Donc, à la limite, Joseph Howe, on serait heureux, pour paraphraser Yvon Deschamps, d'avoir une Nouvelle-Écosse forte dans un empire uni. Oui. Vous le disiez, c'est pas le seul. C'est pas le seul en Nouvelle-Écosse. C'est pas le seul non plus. La Nouvelle-Écosse n'est pas la seule de ces colonies britanniques atlantiques à être très réticente, à être très tiède par rapport à cette idée d'une fédération canadienne. On écoute à ce propos, pour poursuivre dans les motifs qui sont invoqués à ce moment-là, on écoute par ceux qui s'opposent à ce pacte fédératif, on écoute l'historien Marcel Martel, qu'on entendait au tout début de l'émission, extrait de l'émission L'Histoire aujourd'hui, diffusée en 1995, suivi de l'historien Jean-Charles Bonenfant à l'émission Québec, berceau de la Confédération, diffusée en 1967. Et les motifs étaient sensiblement, bon, la crainte de se sentir submergé, c'est-à-dire que le Canada avait 3 millions d'habitants, la Nouvelle-Écosse 400 000, le Nouveau-Brunswick 300 000. On craignait surtout le poids politique du Canada, on craignait que le Canada allait dicter non seulement la vie politique, mais surtout les politiques économiques. Et dernier élément, c'est qu'à ce moment, 1864-1865, la Nouvelle-Écosse était en faveur du libre-échange, alors que le Canada cherchait à protéger sa base industrielle naissante de la concurrence étrangère. Et en 1866, le traité de réciprocité entre les États-Unis et les différentes colonies britanniques s'est terminé. Et à ce moment-là, le Canada a voulu développer et a proposé aux colonies de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, un marché non plus nord-sud, mais est-ouest. Donc la Nouvelle-Écosse s'estimait être la grande perdante dans l'éventualité d'un tel marché est-ouest. Je crois que, en général, du moins dans bien des cas, les causes qui ont milité en faveur de la Confédération n'ont pas toujours, dans le Canada uni, n'ont pas toujours milité en faveur de la Confédération dans les colonies de l'Atlantique. Pour vous donner deux exemples, il est sûr que la nécessité de construire le chemin de fer intercolonial ne comptait guère pour Terre-Neuve ou pour l'île du Prince-Édouard. Et il est sûr que la crainte des États-Unis était pas très, très considérable dans l'île de Terre-Neuve. Diriez-vous qu'une bonne partie de la population aurait préféré son accès aux États-Unis? Je n'irai pas aussi loin que ça. Quoi qu'il y ait eu à ce moment-là, il y a eu certains mouvements en faveur de l'annexion. Mais je pense bien que ce qu'il y avait, c'était plutôt d'incertitude. On ne savait pas trop où on allait. Et il faut faire attention en histoire, c'est qu'on essaie de donner des raisons par après, alors qu'à l'époque, les gens étaient plutôt inconscients. Ah, malgré ces craintes, cette inconscience, cette incertitude, en Nouvelle-Écosse, mais ailleurs aussi, au Nouveau-Brunswick, en fait, dans les provinces atlantiques, ce qui deviendra les provinces atlantiques, malgré ces craintes-là, les provinces, l'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse se présentent à la conférence de 1864 à Charlottetown, cette fameuse conférence qu'on dit souvent être la conférence qui va donner naissance au Canada de 1867. Faut dire que, parce que ça peut paraître étonnant, puisqu'ils sont contre cette idée-là, faut dire que cette conférence-là prend une tournure qu'on n'avait pas prévue, Harold Bérubé. Oui, effectivement. L'objectif initial est une union des colonies de l'Atlantique dans le but de former une unité économique un peu plus pesante dans la balance, d'avoir une meilleure capacité d'emprunt, un marché intérieur plus vigoureux. Et comme on le disait tout à l'heure dans l'extrait, le Canada uni s'invite en quelque sorte à la fête et là va faire dévier le projet dans une toute autre direction. Donc, Terre-Neuve avait envoyé des observateurs à Charlottetown. Elle n'en enverra même pas à Québec un mois plus tard. Donc, Terre-Neuve s'intéresse effectivement pas au projet. De manière ironique, l'île du Prince-Édouard, où tout ça a commencé, se retire également. Ils ont peur, justement, d'être noyés dans ce nouveau pays. Il faut dire que l'île du Prince-Édouard est vraiment pas, ne pèse pas très lourd dans la balance démographique à l'époque. Donc, ça va laisser, au niveau des colonies de l'Atlantique, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, qui sont encore, si on veut, là, à bord pour ce qui est des discussions. À bord, mais pas complètement à bord. Non. Parce qu'il y a donc deux provinces, les deux conférences, Charlottetown et Québec, se tiennent à un mois d'écart. Mais très vite, donc, Terre-Neuve se retire, l'île du Prince-Édouard se retire, reste le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. mais ça va fluctuer. Mm-hmm. Après la conférence de Québec, c'est pas le grand enthousiasme ni au Nouveau-Brunswick ni en Nouvelle-Écosse. En fait, c'est le grand enthousiasme mais seulement dans le Canada Ouest, le Haut-Canada qui va devenir l'Ontario. Ouais. Même au Québec, il y a des réticences. Mais bon, là, Georges-Étienne Cartier et l'Église catholique font leur travail pour, en quelque sorte, là, pacifier l'électorat. Du côté du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, ça va se compliquer. Du côté du Nouveau-Brunswick, donc à l'époque, le gouvernement est dirigé par Leonard Tilley, qui est pro-confédération. Mais Leonard Tilley donc, doit aller en élection en 1865 et il se fait battre donc, par Albert Smith, qui est, lui, contre la confédération. Ouais. Donc, tout de suite, on a un gouvernement qui est renversé et qui, en théorie, ne désire plus adhérer donc, au projet confédéral. Et ça va nous amener donc, à la Nouvelle-Écosse. À la Nouvelle-Écosse, le premier ministre est Charles Tupper. Ouais. Tupper, les élections, en fait, sont dues pour 1867. Donc, il sait qu'il a un échéancier assez serré devant lui. Et surtout, les critiques sont nombreuses, donc, qui vont s'attaquer au projet. Et ce qui va compliquer la vie de Charles Tupper, c'est justement que Joseph Howe, avec tout ce prestige, le poids qu'il a comme personnalité politique, va se prononcer fortement contre le projet de confédération. Donc, Tupper sait que son temps est compté. Il va transmettre l'information à ses collègues du Canada uni. On va s'empresser donc, de ratifier donc, la proposition. Et donc, en avril 1866, le plus vite possible, on adopte le projet confédéral, malgré les critiques qui sont très importantes. Et c'est ce qui va faire que la Nouvelle-Écosse va de l'avant. Ouais. Autrement dit, non seulement il n'y a pas de consultation populaire, mais c'est par calcul politique. Tupper croit à ce projet-là et avant d'être défait, parce que c'est ce qui va se passer, il en profite rapidement pour que l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse adopte de la colonie à ce moment-là, adopte ce projet de fédération canadienne. Comment, et ils sont nombreux à s'opposer à ça. Ah oui. Joseph Howe, mais il y a quelques leaders qui sont avec lui. Le milieu économique, je pense, c'est pas très chaud à ça non plus. Non, effectivement, il y a des réticences importantes qui sont assez répandues. On peut dire que la majorité des gens en Nouvelle-Écosse sont assez clairement contre le projet, Laurent. Alors, comment ils réagissent, les néo-écossais, à ce coup de force? Je pense qu'on peut parler d'un coup de force de Tupper. Oui, absolument. Bien, le coup de force même commence au Nouveau-Brunswick. Donc, au Nouveau-Brunswick, le gouverneur va recevoir des directives claires de Londres de faire changer les choses. Donc, il va exercer des pressions très, très fortes sur le gouvernement qui est là et mener à sa chute. Nouvelles élections et cette fois-ci, les pro-confédérations reviennent au pouvoir. Donc, le Nouveau-Brunswick est plus ou moins neutralisé suite à des pressions énormes, il faut le dire, de Londres, de l'appui financier qui vient du Canada uni. Et donc, en Nouvelle-Écosse, on se retrouve un peu devant la même situation où, en fait, on va commencer par aller à Londres. Et Joseph Howe va mener une délégation donc, au début de 1867. Il débarque là-bas avec ses alliés et il va démarcher auprès des élus britanniques pour essayer de les convaincre de l'impopularité énorme de l'acte de l'Amérique du Nord britannique en Nouvelle-Écosse et demander. Donc, il va trouver quelques alliés, une poignée d'alliés, mais pas assez pour bloquer le projet à ce moment-là. Donc, c'est adopté finalement. Oui. Avec ces jeux politiques en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, les quatre provinces fondatrices donc ratifient cet acte de l'Amérique du Nord britannique en 1867. Mais il y a des élections qui suivent. Ça nous ramène au tout début de l'émission. On le voyait déjà d'entrée de jeu quand on présentait le premier extrait. Aux élections en Nouvelle-Écosse, autant sur le plan des députés fédéraux que sur le plan des députés provinciaux, le message, il est sans aucune ambiguïté, Harold Birubé. On ne veut pas de cette fédération canadienne. Non, absolument. Écoutez, pour faire un clin d'œil à Stéphane Dion, la majorité est claire. Oui. Elle est indiscutable. Il y a une écrasante majorité des élus au provincial, au fédéral, qui sont contre le projet. Et Joseph Howe va compter sur cette majorité-là comme témoignage un peu de la légitimité de sa position. Et il assume que MacDonald va accepter de négocier une sortie de la Nouvelle-Écosse. Évidemment, ça ne se passe pas. Joseph Howe, lui, il est élu au fédéral, il débat en chambre assez férocement et il va essayer comme ça de vendre cette idée qu'on doit les laisser sortir et c'est une fin de non-recevoir du gouvernement. Il y a des motions même qui vont être adoptées. Ah oui, la Nouvelle-Écosse, dès la suite des élections, le gouvernement provincial adopte une motion qui ne reconnaît pas la légitimité de l'acte d'Amérique du Nord britannique, qui demande son rappel. Cette motion-là est assez forte, là, montre qu'on ne souhaite pas adhérer au projet. Mais Joseph Howe se bute à un mur, littéralement, du côté du Parlement d'Ottawa, ce qui fait qu'il va se rendre à nouveau à Londres. Oui, quel genre de résultat cette fois-là? Avec un peu les mêmes résultats. Il passe toute la première moitié de l'année 1868 à Londres. Encore une fois, il fait du démarchage, va voir des députés qui sont potentiellement allés. Là aussi, il se trouve quelques amis en chambre, mais évidemment, le gouvernement britannique pour eux, l'affaire est fermée. Le dossier est classé, ils ne veulent pas retourner là. Donc, tout au plus, on lui donne quelques garanties au niveau des tarifs commerciaux, au niveau des pêcheries. On l'assure d'une certaine autonomie de la Nouvelle-Écosse, mais c'est tout. Donc, il va revenir en Nouvelle-Écosse, très désillusionné. Il ne le cache pas, mais il va essayer de ménager un peu l'électorat, cacher un peu sa position jusqu'à la fin de 68. Mais à la fin de 68, il laisse clairement voir que pour lui, c'est plus possible, c'est plus envisageable de sortir de la Confédération. Ouais. Puis en fait, il va décider de se rallier d'une certaine façon. Il va devenir membre du cabinet de John A. MacDonald. Mm-hmm. Comment c'est reçu par... il n'est pas tout seul dans cette bataille en Nouvelle-Écosse. Non, bien c'est ça, il faut le dire. Joseph Henry n'est pas seul. Il y a tout un mouvement qu'on réqualifie à ce stade-ci de séparatistes. Et à ce moment-là, ils vont être partagés en deux camps. Il y a les gens qui sont plutôt loyalistes, hein, qui, malgré tout ça, veulent rester au sein de l'Empire, ne sont pas prêts à remettre en question le statu quo. Donc, ces gens-là sont les modérés qui vont essayer de convaincre Howe de renégocier les termes de l'entente avec le Canada. Mais il y a quand même une minorité plus radicale. Eux sont prêts à aller beaucoup plus loin. Hein. Ils ne veulent pas accepter le verdict. Et on peut parler de lutte armée. Hein, dans quelle mesure est-ce qu'on est sérieux? C'est difficile à dire. Mais on a un langage très violent sur ce qu'il faut faire pour sortir du Canada. Et on va se tourner aussi vers l'annexionnisme, l'idée que, tant qu'à faire, on va joindre les Américains. Donc, c'est un discours qui est là. Joseph Howe va finir par trancher en faveur des modérés. Et à ce moment-là, va entamer des négociations secrètes qui se déroulent aux États-Unis, il faut le dire, dans le Maine, avec le gouvernement canadien, pour en arriver à une nouvelle entente. Et effectivement, il va finir par accepter un compromis, compromis qui l'amène, lui, à entrer au cabinet, qui amène un certain nombre de subventions additionnelles pour la Nouvelle-Écosse, quelques garanties supplémentaires. Mais en gros, pour les radicaux, il est vu comme quelqu'un qui a vendu. Un traître, en quelque sorte. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, il va devoir défendre son siège. Il y a une élection complémentaire là, dans son comté de Hants en 1869, qui est très féroce. La plupart des écrits, en fait, témoignent du fait qu'il en sort gagnant, mais épuisé, sa santé brisée. Donc, en quelque sorte, il réussit à vendre ce compromis-là, mais vraiment de peine et de misère. Ouais. Ça ne sera pas pour autant la fin du sentiment de frustration, mais aussi de ce mouvement, bon, indépendantiste, c'est peut-être un peu fort en ketchup, mais anti-Canada de 1867. Ça va continuer, ça, jusque dans les années 20, en Nouvelle-Écosse. Oui, absolument. Le ressentiment demeure très, très présent initialement jusqu'à la chute des conservateurs. Et MacDonald est mort, c'est Laurier qui prend le pouvoir en 1896. Et là, comme c'est plus le parti de la Confédération, ça va contribuer à réduire les tensions un peu en Nouvelle-Écosse. Mais cette amertume va rester là. Et pendant longtemps, le drapeau néo-écossais est mis en berne le 1er juillet à tous les ans, jusque dans les années 20, comme vous le disiez. Et dans les années 20, justement, dans l'entre-deux-guerres, il y a le Maritime Rights Movement qui va essayer justement de nouveau de renégocier les termes de l'adhésion là, des colonies des maritimes avec le Canada. Mais à ce moment-là, on réalise dans le fond que les craintes des gens comme Howe se sont manifestées. Démographiquement, on est devenu marginal. On n'a aucun rapport de pouvoir avec Ottawa. Et il va falloir composer donc avec le statu quo. Ouais. Puis il y a Terre-Neuve qui va résister au référendum de 1949. Oui. Mais ça montre que il y a de la résistance du côté du Canada atlantique. Il en reste quoi de tout ça dans la mémoire collective, peut-être dans l'ADN des néo-écossais, l'ADN politique, en tout cas. Il en reste quoi de cette entrée à reculons dans le Canada, Harold Bérubé? Je pense que globalement, la province a fait sa paix avec cette situation-là. Donc, je pense qu'il n'y a pas de risque de référendum la semaine prochaine en Nouvelle-Écosse. Je pense qu'on en a gardé l'idée d'une identité distincte au sein du Canada. On en a gardé une certaine inquiétude, toujours par rapport donc, à notre place dans le pays. Les maritimes et notamment la Nouvelle-Écosse, elles se sentent souvent marginalisées. Elles ont connu des problèmes économiques quand même assez importants durant le 20e siècle. C'est une trajectoire un peu descendante. Donc, je pense qu'on en a gardé ça. Ce qu'on a gardé aussi, donc cette idée d'un séparatisme, entre guillemets, ou entre des régionalismes, c'est pas disparu. Mm-hmm. Mais bon, maintenant, c'est plus la Nouvelle-Écosse qu'on voit tenir ce langage ou ces sentiments. Il y a le Québec, évidemment, mais il y a aussi l'Alberta, par exemple, à certains moments, qui a flirté avec ce discours-là. Donc, ça nous montre que le Canada demeure un pays, encore là, quoi qu'on en ait dit l'année dernière, qui est tiraillé par ces régionalismes qui reviennent, qui se déplacent à l'intérieur du pays, qui nous montre, pour paraphraser Jacques Godbout, que le Canada demeure un pays en perpétuelle renégociation, un contrat en perpétuelle renégociation. Ouais, c'est le propre d'une fédération aussi. Harold Bérubé, professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke, habitué de l'émission. Merci beaucoup, Harold. Ça fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.